amis des débuts d'émissions nécrologiques, ben, bonsoir. Une émission à la fois dans la gaieté et un peu dans la tristesse, forcément, puisque c'est un hommage. Terry Hall, le chanteur des Specials, nous a quittés. Vous êtes dans The Rocks. Et je ne pouvais pas commencer l'émission sans ce petit message to Rudy, to you Rudy, qui est un des tubes des Specials, ce groupe multiracial qui a relancé le ska en Angleterre au moment de l'explosion du punk et qui nous a livré des bien beaux albums. Et bien voilà, Terry Hall, donc, est mort bien jeune, 63 ans, je crois. Et ben voilà, nous le rendions, ben voilà, et ben voilà, j'ai dit, ben voilà, beaucoup. Mais c'est vrai que, ben voilà, on lui rend hommage dans The Rocks. Bienvenue donc dans cette émission de Rock'n'Roll qui fête ses 30 ans cette année. L'émission spéciale 30 ans est toujours audible sur ontherocks.net et vous pouvez écouter On The Rocks sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur Studio Zef en rediffusion à Blois et également sur le site ontherocks.net et sur le site de radioarc-en-ciel.com. Plein de possibilités d'écouter On The Rocks. Alors, il va y avoir une émission ce soir bourrée de nouveautés. Quelques petites vieilleries, dont une pour terminer, mais bourrée de nouveautés avec un début d'émission plutôt tranquillou-bilou. Ensuite, on va durcir un peu le ton et puis une fin d'émission plutôt tranquille. On va commencer avec un groupe français, duo, avec une chanteuse principalement qui, moi, me réjouit depuis leur précédent album. Eh bien, ils reviennent et on retrouve cette même sensibilité, cette même voix et ce même univers qui, moi, m'avait enchanté. Le groupe s'appelle Pyjama. Alors, ça s'écrit pas comme un pyjama, ça s'écrit en trois lettres, en trois mots, P-I, plus loin, J-A, plus loin, M-A. Nobody's Wife, c'est le nom du morceau. Alors, un morceau un peu qui dit bien ce qu'il a à dire. Je vous laisse écouter. Mais voilà, on retrouve vraiment Pyjama dans toute leur splendeur. C'est une nouveauté et on va dire que c'est mon petit coup de cœur ce soir. Hey, just wanted to say I'm cool as I am. Don't need you to stay. Hey, don't mind if you leave, 'cause I will be free like I used to be. Ah, this is gonna be the year. Something good is happening here. I'm gonna make it true. Lord knows I'm overdue. This is gonna be the year. Heaven above is my witness. Can I get a witness? This is gonna be the year. Whisper it's all right in my ear. So dance me to the end of the night. I knew you would shine. I knew you would shine on you tomorrow when you open your eyes. I knew you would shine. I knew you would shine. And you throw your arms around me and you kiss me like you never kissed me before. This is gonna be the year. Nous avons eu les délicats pyjamas pour commencer l'émission avec Nobody's Wife. Et à l'instant, c'était un de mes chouchous depuis longtemps, Brett Denen, chanteur américain qui n'est pas si éloigné de Neil Finn, chanteur de Crowded House. Il arrive à trousser des mélodies comme ça, assez évidentes, un peu à la Paul McCartney. C'était son dernier morceau qui s'appelle « This is going to be the year ». Bah, je vous le souhaite bonne cette année à venir. Je vous la souhaite bonne et voilà, pour commencer cette année, un morceau de Brett Denen, ça fait toujours du bien. On va aller faire un tour maintenant du côté d'une surprise qui est sortie il y a quelques jours. Alors c'est un morceau qui est sûrement annonciateur d'un album à venir, des frangins d'Adario, c'est leur nom, ils sont frères. Alors généralement ça se finit mal, hein, les groupes avec les frangins, vous voyez Oasis, mais eux j'espère que ça va durer. Ils s'appellent The Lemon Twigs, et puis voilà, ils nous avaient habitués à un peu du rock plutôt à guitare, plutôt un peu glam, plutôt, et bien là, ils nous sortent un morceau qui s'appelle Corner of My Eye, morceau assez surprenant où il fraye plutôt dans les eaux empruntées avant eux par les Beach Boys ou par les Bee Gees même à leur grande époque. Le morceau est assez c'est assez déroutant quand on connaît les Lemon Twigs, mais moi je le trouve très très bon. Alors voici le dernier morceau en date des Lemon Twigs, ça s'appelle Corner of My Eye et c'est dans The Rocks bien évidemment. Alors oui, alors ça sucre. C'est sucré, vous allez voir. I've got a wonderful feeling that's right for being wrong. Lately the Lord's got me kneeling. It's been hard to get along. But when I've got you in the corner of my eye, all my moments are the same when Ce qu'ils appellent éjecter un morceau pendant la diffusion. C'est quand même un peu dommage. Un joli morceau comme ça. Alors attendez, on va essayer de le reprendre là où il était à peu près. Ça va être un peu du. À peu près par là. Ah, on va y arriver. Un morceau de Noël au mois de janvier, on passe pour un gros has-been, c'est vrai. J'assume. C'était Alpine Subs avec Over Wichita. Alors tout ça est très très guimauve, hein, tout très plein de bons sentiments. Mais au niveau mélodique et au niveau prod, eh ben, c'est quand même assez cocooning. Moi j'aime bien, ça me fait du bien. Et puis avant c'était The Lemon Twigs avec Corner of My Eye, pareil, tout doux. Alors bon, Alpine Subs, c'était plutôt au niveau paroles, on était plus proche du petit Papa Noël de Tino Rossi que des morceaux, par exemple, des Sex Pistols, vous voyez, on est plutôt dans cet univers-là. C'était quand même assez tranquille ou tout ça. Bon, alors on va un petit peu hausser le ton maintenant avec une autre nouveauté, ça s'appelle Chaz Valentine, et ça fait partie de ces morceaux, on l'écoute la première fois, on se dit ouais, sympa, deuxième fois on dit ouais, c'est sympa, et puis on finit par l'écouter la troisième fois en roulant à fond avec sa voiture, en faisant des ouais, voilà. Donc on est chopé, c'est parti, Chaz Valentine, ça s'appelle Restless Soul. Alors ça, c'est vraiment un album qu'il vous faut ouïr au plus vite. C'est un album, j'allais dire des Orléanais, mais pas du tout. Ils sont berruyers, ils sont de Bourges. Ce sont les fameux Box and Blade. Vous les aviez peut-être reconnus avec Oh Baby, Let's Beat the Birds. Alors voilà, c'est un des morceaux, pour moi, c'est un des sommets d'un album qui en compte vraiment beaucoup. L'album s'appelle Fugitives from Sea. Alors on avait reçu Blutch, qui est un membre éminent des Box and Blade. Voilà, un groupe que je suis depuis longtemps, que j'aime beaucoup. Eh bien, ils reviennent avec un nouvel album qui est très 60s, très psychédélique, qui ose beaucoup de choses, qui non seulement va évidemment comme souvent vers des rythmes assez soutenus, dirons-nous, mais aussi vers des mid-tempo qui leur vont très très bien. On va se visiter cet album dans The Rock, ça c'est sûr, car c'est vraiment un très bel album. On est en train de voir avec Blutch si quelques membres du groupe peuvent venir le présenter à ses micros. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle surprise. J'allais dire, c'est pas une surprise, mais c'est une belle confirmation. Et très très bel album des Box and Blade. Et puisqu'on parle de Blutch, et ben on va continuer, car il sort deux albums, puisque je fais les liaisons moi aussi, parce que j'ai le droit, je suis à la radio, deux albums. Un, évidemment, on vient de se le passer avec The Box and Blade. Et puis, juste après, on va se diffuser maintenant un morceau d'un album des Strong Commons qui sortent. Alors là, c'est un peu plus velu, mais ça me plaît aussi beaucoup. Il y a aussi un petit peu, alors c'est un des morceaux que je préfère sur leur album. Il y a aussi un petit peu de ces claviers là qui donnent une petite touche qui, moi, me plaît beaucoup. Lobotomized, c'est le nom du morceau et c'est un peu mon état en fin de journée. C'est pour ça que je bafouille un peu. We'll be right back. Goodbye, sweetness, I've changed my lane. For lightness, shall we meet again? The world we'll see. Me too, I can be hard. For once, I will be free to be a fucking son. C'est du bon et c'est du local. C'était The Strong Commons dans The Rocks avec Lobotomized. À l'instant, c'était les immenses Sokoi Fever. Vraiment, allez écouter le morceau dont ils m'ont fait l'honneur de me faire cadeau pour l'émission spéciale 30 ans, cette reprise du Sgt. Pepper des Beatles. Il vaut le détour. Et puis surtout, le dernier album des Sokoi Fever qui s'appelle New Phase est vraiment, vraiment fantastique. Voici un extrait. C'est à s'appeler New Phase également. Sylvain, compositeur, arrangeur, parolier, guitariste des Sokoi Fever sera là dans 15 jours pour venir faire une petite battle. Et la semaine prochaine dans The Rock, ce sera Mathieu Dufaux pour nous faire une petite visite de la programmation de l'Astrolabe à venir. On continue avec les nouveautés dans On The Rocks avec un groupe que je n'ai jamais diffusé dans The Rock. Ça arrive, et oui, ça arrive. Ça s'appelle Glowing. Ils nous viennent d'Adélaïde en Australie. Le morceau, c'est Coming Home. Together in my head, in a moment so quiet, a lot of estranged. I jump before I ride home. I couldn't strum without the drinks in my hand. I grapple after a loss of pain. When you came and cut down the cord, was the first time. The year round my neck, but a blessing to come round and kick me in the head. So boy, won't you stick around for me? The home's nothing physical, it's the warmth of life from the person and people who make you feel alive. To learn and to be at rest with me, but I'm starting to. Frequently, the darkness is few and far between. I'm learning to never let them win. And if it's all in my head, then it's all in my head. Big fantasy. grosses guitares qui font du bruit à l'instant. C'était Crane Games, encore une nouveauté dans The Rocks avec End of the Decade. C'était encore un groupe australien, puisque le précédent l'était aussi, Glowing avec Coming Home. Vous savez donc que cette année, The Rocks fête ses 30 ans, et j'ai décidé, le plus souvent possible, de vous emmener dans ma petite machine à remonter le temps pour vous faire écouter des petites archives et vous raconter quelques belles rencontres qui ont eu lieu durant ces 30 ans. J'ai eu 30 ans. Radio Show depuis 1992. Je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les... C'est une émission vraiment pour le peuple. Rock all motherfuckers on the rocks. En 2017, j'ai eu la chance de rencontrer un groupe qui, dans les années 90, au début des années 90, était promis à un avenir qui allait les conduire au firmament du rock'n'roll, au plus haut du plus haut. Les critiques étaient élogieuses, les autres groupes parlaient de ce groupe comme un des meilleurs, et en particulier Nirvana, qui avait mis ce groupe tout en haut de leur classement personnel des meilleurs groupes. Mais ce groupe écossais, donc, qui s'appelle Teenage Fan Club, avait la modestie chevillés au corps et n'ont pas pris les chemins qui auraient pu les mener vers à des énormes succès. Ils ont continué leur petit bonhomme de chemin, partant d'albums plutôt guitare et assez énergiques, pour aller de plus en plus vers une sorte de pop rock assez stylé, dans la lignée de Nada Surf par exemple, dans la lignée de certains morceaux des Beatles. Et bien, j'ai eu la chance de rencontrer le chanteur en 2017 des Teenage Fan Club, et on a parlé ensemble évidemment de leur carrière, et je suis revenu sur cette rencontre avec Nirvana, pour qui ils ont ouvert et ils ont fait toute une tournée mondiale en compagnie de Nirvana, et une amitié s'est créée entre les membres de Nirvana et les membres de Teenage Fan Club, et entre Kurt Cobain et les membres du Teenage Fan Club. Donc on avait parlé un petit peu de ceci lors de cette interview des Teenage Fan Club, c'était en 2017. Kurt Cobain aurait dit que vous étiez le meilleur groupe du monde. L'avez-vous cru? Je ne sais pas vraiment s'il a vraiment dit ça, mais on ne les connaissait pas autant avant qu'ils deviennent énormes. On les connaissait quand même un peu à l'époque de l'album Bleach, mais c'était des gars super. Ce fut fantastique de faire partie de cette tournée. On a été les premiers témoins de la naissance de ce phénomène. C'est devenu énorme. On a fait le Zénith de Paris avec eux. C'était une super expérience. Mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient très à l'aise avec le fait de devenir un groupe de rock si énorme. Je crois qu'ils n'aimaient pas trop ça. Always Encore une nouveauté, il y en a plein dans The Rock ce soir. C'était En attendant Anna avec Same Old Story, décidément bien talentueux les En attendant Anna. Et puis, juste avant, c'était Teenage Fan Club avec Sparky's Dream. Ça, c'était une petite vieillerie et un petit souvenir. On continue encore avec les nouveautés dans The Rock avec House Ghost. Voilà encore un groupe que je ne connaissais pas. Eh bien, l'erreur est réparée puisque les voilà dans The Rock avec leur dernier morceau qui s'appelle Another Real Me. All I want is the truth. Just give us the truth. une un peu plus nouvelle que l'autre. La vraiment nouvelle, c'était House Ghost avec Another Realm. Et puis, à l'instant, c'était les Kula Checkers, mes petits chouchous des Kula Checkers, un morceau que je dédie à Duduche et son joli casque. Avec Gimme Some Truth, vous avez reconnu le morceau, c'est une reprise de John Lennon. Gimme Some Truth, donc repris par Kula Checkers. Allez, petite auto-promotion, c'est pas si souvent. Dans deux jours, mercredi prochain, eh bien, je sors un petit roman qui s'appelle, un roman même tout court, qui s'appelle John et qui raconte la 11e année, l'autobiographie rêvée de John Lennon à 11 ans. Et puis, je vous ai, on se refait pas, comme je suis animateur radio depuis 30 ans et auteur depuis 20 ans, les deux se sont rencontrés et à l'intérieur du bouquin, il y a un petit flashcode et vous pouvez écouter la BO du bouquin d'ores et déjà avec ce petit flashcode où je vous ai mis plein de morceaux qu'on peut retrouver dans le bouquin. Donc voilà, parenthèse refermée, si ça vous fait plaisir, allez-y. Plains, Waxahachie et Jess Williamson se sont mis ensemble, ils ont bien eu raison car ils ont créé un morceau bien sympathique qu'on va se diffuser maintenant dans The Rocks et nous sommes en phase descendante au niveau du tempo mais pas au niveau de la qualité. On va vers une Americana somptueuse, soyeuse et lumineuse. Voici une nouveauté donc, ça s'appelle Hurricane. Baby, I'll come back to you. Baby, I'll much of a soft hit. On the rooftop, time stops, red and gold and silver. Fire burns and fades away. And that old song plays on, colored by a memory. Fire burns and fades away. Encore une collaboration et encore voilà un nom un peu long à prononcer puisqu'il y a du monde. C'était Down Like Silver associé à Peter Bradley Adams et Caitlin Conti pour le morceau First Light. Et puis juste avant, c'était Plains, Waxachie et Jess Williamson avec Hurricane. Voilà quelqu'un que je suis aussi depuis quelques années. Et ça va être bien écouté au casque à mon avis. Il s'appelle Stu Larson et il vient de sortir un morceau où il compte au début. Donc ce qui montre que c'est quelqu'un qui a fait des études. En tout cas, ses albums sont tous plus beaux les uns que les autres et c'est vraiment un artiste que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Voici Stu Larson avec You're My Winter. One, two, three. You're the serenity. first day and your heart skips a little and your mind breaks the news to you you've been living in chaos smoker shook a chocolate machine involved in an eating scene smashing into neon streets in their stoneness smearing their eyes with the crazy color goddess listening to sounds of Mingus mellow fantastic my my they said In dollhouse rooms with colored lights swinging, strange music boxes sadly tinkling, drinking the sun shining all around you. My, my, they said. He sparkles in satin and velvet You gaze at his splendor with eyes you've not used yet I tell you his name is love, love, love My, my, they sigh My, my, they sigh Et quelle merveille de se plonger dans les archives musicales parce que quand un artiste prend une voix et une voix VOX qui lui correspond et à laquelle on l'associe, on a bien du mal à se souvenir que cet artiste a chanté autrement, a été jeune, a eu une autre façon d'aborder la musique. C'est le cas de Marianne Faithfull. On a l'habitude de cette voix un peu bousillée, un peu cassée et si émouvante de la Marianne Faithfull, allée depuis Broken English, en gros, donc depuis une trentaine d'années, et bien en se replongeant dans les archives de Marianne Faithfull, comme vient de le faire cet album qui vient de sortir, qui exhume des raretés, des démos, et avec ce Sunny Goodbye Street, et bien on découvre à quel point elle a été une chanteuse autre et une chanteuse magnifique. C'était donc tiré, alors c'est une nouveauté, mais pas vraiment, c'était tiré donc de ces archives de Marianne Faithfull, et puis puis sur ce morceau, eh bien, je trouve que sa voix n'est pas sans évoquer celle de Margot Timmins, la chanteuse des Cowboy Junkies. On va se passer un petit morceau des Cowboy Junkies maintenant, avec Dead Flowers, une reprise des Stones, un groupe qui a bien connu Marianne Faithfull, bibliquement même. Et voilà, peut-être le meilleur groupe de reprise du monde. Voici les Cowboy Junkies, les Canadiens de Cowboy Junkies, Dead Flowers, et c'est dans The Rocks. Circle poster chair, talking to some rich folk that you know. I hope you don't see me in my ragged company. You know I can never be alone. floating with streams. Alone and lost at sea. Thank you.